confondre au seuil de l'infini, loin du reste du monde, haletant et soumis, à bord du lit qui tangue et va sous toi et moi, toi et moi, libérés des mensonges et sevrés des tabous. Quand la nuit se prolonge entre râles et remous, nos songes fous inventent nous. Entre chiens et loups, dans nos rêves les airs, l'amour a su combler les silences. Et nous, ces enfants nus, devenons toi et moi, lavés de nos enfers. Porte-moi au-delà des angoisses, à l'appel du désir, du cœur de nos fantasmes, aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. J'étais sans espoir, tu as changé mon sort, offrant à ma vie une autre chance. Les mots ne sont que mots, les tiens vibraient si fort, qu'en parlant à ma peau, ils éveillaient mon corps. Aime-moi, fais-moi d'amour encore, encore, et parle-moi, pour que jusqu'aux aurores, aux sources de nos joies, mes jours se noient.